France Impro, ça donne chaud. Toulouse, c'est France Impro sur Radio FMR 89.1. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Henri Hertmann que vous venez d'entendre en direct dans notre studio de Radio FMR à côté de la gare. Et Henri pose son tout nouveau trombone et s'installe. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'Henri, parler avec Henri, écouter Henri nous parler de sa musique, de ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Et nous allons passer un bon moment ensemble jusqu'à 11h ce matin. Bonjour Henri. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir Henri. Voilà. Et donc, alors je te propose que... Alors est-ce que tu peux nous parler de ce que tu viens de nous faire par exemple ? Ah, ce que je vais faire. Ce que tu viens de nous faire, là. Ah, ce que je viens de faire. Bon, alors, il s'agit d'une improvisation libre, improvisation totale, donc on va dire, tout modestement, mais quand même. Voilà. Et donc, libre. Et bon, il en sera peut-être question tout au long de cette heure-là, de ce que ça veut dire l'improvisation libre. D'accord. Et est-ce que tu pratiques exclusivement l'improvisation libre ou est-ce que tu pratiques d'autres genres de musique ? Alors, quand je travaille l'instrument, je suis sur les standards que j'aime beaucoup, les standards de jazz, entre autres. Voilà, et surtout dans les périodes, disons, Coltrane, Miles Davis, Sonny Rollins, etc. Et beaucoup d'écoute aussi de mes maîtres, entre guillemets, du trombone, Mangeldorf et compagnie. Quoi. Voilà. D'accord. Et par contre, dans tes projets musicaux, il gravite autour de l'improvisation libre. Alors, ça gravite autour de l'improvisation libre, mais que ce soit donc tout seul ou en compagnie de musiciens, évidemment, je m'interdis rien. C'est-à-dire que si y a des phrases de blues qui arrivent, ou même si j'ai en tête, bon, comme ça, qui surgit un bout de standard, je le joue. Voilà. Très bien. Et du coup, ce petit morceau que tu viens de nous faire est dans le ton du disque que tu as fait paraître il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc, c'est chez Improvising Beings, c'est ça. Donc, c'est un disque de Henri Hertmann, Roule ta salive. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce disque, comment il s'est fait ? Oui, parce que en fait, c'est un... C'était pas un projet de disque à l'origine. C'est assez. Voilà, donc je vais expliquer ça. En fait, j'ai un ami qui a un studio d'enregistrement Et je voulais entendre le son, enfin, du trombone, enfin, enregistré dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, je suis rentré dans ce studio et j'ai joué toute la matinée, enfin, donc, en improvisant, soit très, très librement, ou, comme on va peut-être l'entendre, ou soit en rappelant quelques standards, comme un titre qui s'appelle bon, Mingus, par exemple. Donc, voilà, c'est clair, c'est annoncé. Et bon voilà, donc on a et ensuite on a réécouté et donc il me dit ben tiens écoute c'est pas mal, il y a matière peut-être à isoler des plages enfin etc. Donc on a isolé des plages, on a isolé 17 plages. Et ensuite ça s'est passé assez vite, j'ai rencontré quelqu'un un critique de jazz sur Toulouse qui me dit bien je t'ai jamais entendu au trombone sauf avec le fil dans le film et dans le cadre du fil, donc c'est forcément la masse qui est intéressante et pas forcément le bois. Voilà, et il me dit tu t'as pas quelque chose. Alors je venais de faire cet enregistrement, je lui fais passer l'enregistrement. Bon, il me répond, il me dit écoute, il y a un label qui peut-être peut être intéressé, parce qu'il me dit c'est pas mal, enfin, etc. Et donc, j'ai fait la démarche, j'ai contacté Improvising Bands, là, et quelques temps après, il m'appelle, il me dit, écoute, il y a matière à faire un disque. Bon, voilà, voilà l'origine du disque. Et donc, sur les 17 plages, il n'en a pris que 13. Bon, voilà, mais voilà, c'est une belle histoire pour moi et, pour, et le contact que j'ai avec ce label qui est, par ailleurs, enfin... comment est un label, complètement indépendant bien sûr, mais qui est sur le fil du rasoir parce que c'est pas facile pour lui et il a son catalogue des gens soit de l'ancienne génération, c'est enfin, l'ancienne génération, soit des gens du free qui viennent du free comme Linda Sharrock et des choses comme ça, ou soit des nouveaux des jeunes musiciens enfin voilà aujourd'hui, mais qui sont tous un petit peu animés par par cette idée de l'improvisation libre ou aussi d'autres démarches beaucoup plus dans l'électronique, etc. En tout cas, toujours avec cette idée de quelque chose d'aventureux, de quelque chose à construire enfin, dans l'instant, et, plus ou moins dans l'instant, quoi, enfin, mais l'idée de création, vraiment, quoi. Voilà. D'accord, alors je cherche juste le nom du site parce que j'étais déjà passé, ils ont un beau catalogue de Improvising Beings pour nos auditeurs, donc c'est tout simplement Improvising Beings, comme des êtres improvisants en anglais, improvising-beings.com. Donc là, il y a tout un catalogue avec des choses très intéressantes, donc je vous encourage à aller jeter une oreille. Donc ce disque est sorti en 2014, donc tu disais, en tout cas enregistré en 2014, il est sorti en 2014 15, aussi, il est sorti en 2015, c'est ça. Ouais. Je me rappelle, il est sorti au moment où on était tous les deux au fil. Le fil, pour nos auditeurs qui ne nous suivent pas depuis très longtemps, c'est la Fabrique d'improvisation libre, qui est à l'origine un grand orchestre de musiciens improvisateurs basé sur Toulouse et dans la région toulousaine, qui sont en résidence permanente à la Fabrique au Mirail. Alors, je ne sais pas trop où en est le projet ces jours-ci. Oui. Tu en fais toujours partie ? Alors, le fil a décidé d'arrêter, d'arrêter, parce que il y avait plus matière à le continuer sans doute. Par contre, il va y avoir... je pense pouvoir le dire quand même sans trahir les secrets, il va y avoir un concert enfin un concert de fin du fil au théâtre du Hangar au mois de juin. Ah super. Donc voilà. C'est bien de finir en beauté. Avec c'est ça, pour finir en beauté, puis on est évidemment pas c'est pas fini par éclatement, disons on s'est pas tapé dessus, mais simplement que c'est de toute façon c'est difficile, c'est imaginez 13 personnes, 14, 15, à des moments on a été plus même, pour réunir à la fois les esthétiques, les disponibilités, les lieux pour jouer, etc. C'est très difficile. Donc, je pense que c'est un peu à cause de tout ça que peut-être momentanément, on ne sait jamais. Mais enfin, en tout cas, pour le moment, on a arrêté, quoi. En tout cas, moi, le temps que j'ai passé au fil, alors je suis resté beaucoup moins longtemps que toi, mais c'est à la fois une expérience musicale et une expérience aussi de relations personnelles. Hein. C'est, on a tenté d'en faire une grande expérience démocratique, ce qui n'est pas simple. Hein. Et donc, on voit d'autres grands ensembles qui tournent et qui s'en sortent très bien. Et souvent, ça gravite autour de noyaux durs ou d'une personne qui a une vision très claire et qui arrive à tirer l'ensemble. Alors, peut-être que c'est une des pistes à explorer ou peut-être que c'est juste un bateau qui tangue et qui reprendra un peu plus tard. Hein. Comme tu dis, tout est possible. En tout cas, c'est une belle expérience. Ok, donc je ne savais pas que vous en étiez là. Donc tu as fait partie du fil jusqu'au bout. Oui, okay. Presque jusqu'au bout, disons. Pas quasiment. Quoi. Enfin, parce que je commençais aussi à... Disons, avoir une autre... la question qui s'est posée, à un moment donné, c'est... est-ce qu'on doit aller vers l'écriture? Est-ce qu'on doit aller vers l'improvisation? Enfin, ça a toujours été un petit peu depuis le départ. Hein, enfin, cette... ces différentes options. Et c'est... Moi j'ai comme tu viens de le dire, vraiment, ça m'a beaucoup intéressé de faire partie du fil. Ça m'a fait avancer sur certains points que j'avais jamais travaillé, donc en grand orchestre, entendre le son, puis au point de vue humain évidemment aussi, c'est tout des gens qu'on se côtoie avec plaisir, etc. Mais sur un plan plus technique, donc ça m'a fait avancer sur certains points effectivement, peut-être un effort beaucoup plus d'écoute, d'entendre ce qui se passe, qui n'était pas toujours facile d'ailleurs quand on est dans un ensemble comme ça et qu'on n'est pas sonorisé au mieux. Bon, c'est pas évident d'entendre tout ce qui se passe, mais la résultante, aux réactions qu'il y a eu, on a toujours eu des très bons retours, notamment le dernier concert qui s'est passé à Albi, où là, avec comment il s'appelle, Benjamin Momus, qui a assuré la partie de retour, son, etc., et qui a joué d'ailleurs avec les sons lui-même. L'idée, c'était que... Bon, il nous a sonorisé. Donc, on avait des retours très confortables derrière nous. Ça change la vie, ça. Ah oui, c'était... Moi, j'ai très bien vécu, comme tout le monde, je pense, ce concert-là, parce qu'on entendait vraiment des choses, beaucoup de choses qu'on n'avait jamais entendues. Donc, Et puis, en plus, ce qu'on n'a pas entendu, nous, c'est depuis la salle, c'est que lui, il reprenait tous ses sons et il les touillait avec son ordinateur de façon à en faire encore un autre objet. Quoi. Parce qu'il faut se rendre compte que dans le fil, il y a des instruments, un peu tout type d'instruments, des instruments très doux, des instruments très puissants. Alors forcément, si on n'entend pas qu'il y a la flûte à bec ou le synthétiseur analogique dans un coin qui fait un petit truc, qui travaille une texture ou une petite mélodie, la flûte à bec, elle se défend quand même. Mais il y a un accordéon. C'est vraiment pas simple de se rendre compte qu'il se passe quelque chose et du coup de lui laisser de la place. Et le danger, c'est toujours que ça vire à la foire d'empoigne. Alors, je pense qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour éviter ce danger-là. Mais forcément, s'entendre les uns les autres, c'est la base. Donc, avec un orchestre qui peut dépasser 10 personnes, 15 personnes, on prend de l'espace et donc forcément, on n'entend pas toujours très bien tout ce qui se passe, c'est sûr. Ok, donc on a parlé du fil, on parlait de Roule ta salive. Tu as tourné un peu avec ce projet-là? Est-ce que tu as fait des concerts? Alors, ce disque-là m'a permis de, notamment, d'être en première partie, invité en première partie au pavé, pour un pavé dans le jazz, en solo. Et d'ailleurs, moi, j'aurais bien voulu le faire avec d'autres, afin de le faire à deux ou à trois. Mais en fait, c'était le solo qui les intéressait. Donc, on m'a engagé en solo. Bon, voilà. Donc, après, c'est pas une formule que je veux développer forcément, quoi. Bon, pour le premier, c'était un solo. Il y en a qui m'ont dit d'ailleurs, c'est un projet de fou de faire un disque en solo d'entrée. Mais ça s'est trouvé, comme je l'ai raconté tout à l'heure, comme ça. Et il y a toujours un projet justement avec Improvising Bank de faire un autre disque. Là, il m'a demandé s'il peut le faire parce qu'avec ses moyens, c'est pas évident. Mais là, je ne souhaite pas du tout le faire du tout en solo. J'ai d'autres, soit en duo, soit en trio. Bon, voilà. Enfin, c'est, j'ai pas de, comment, j'ai pas actuellement de, je ne joue pas avec d'une façon, disons, continue avec avec un projet, avec un trio ou autre. Mais je trempe dans plusieurs choses. Bon. Il y a un petit trio qui se fait jour, là, quand même, enfin, avec les gens du Burgo, là, c'est-à-dire avec donc Guy Bessac et Pascal Busino, alors, qui est percussionniste, Pascal Busino qui est à la contrebasse, dont on travaille. Mais c'est une formule que j'aime bien, enfin, c'est la contrebasse plus percussion. Là, voilà, bon, on travaille des choses, on va sans doute se produire. Après, il y a des rencontres, j'en ai... Si on peut parler, bon, puisqu'on en est là, de parler de projet. Bon. D'accord. Alors, on va écouter un petit morceau de quelques petits morceaux de Roule ta salive. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous suggères? On commence par le début. Alors, il y a la plage, disons, pour illustrer l'histoire des incursions là, de blues. Enfin, il y a une plage qui s'appelle. Est-ce que tu as la liste là ? J'ai la liste, tout à fait. Donc, j'ai Narcisse Recording, Other Blues Libre. C'est ouais, celle-ci ? Voilà, c'est d'accord. Ça. C'est ça. Et c'est parti avec Other Blues Libre. Henri Hertmann, trombone. C'était Other Blues Libre par Henri Hertmann au trombone sur son disque Roule ta salive. Alors, on parlait d'improvisation, on parlait de blues. Donc, tu voulais nous faire écouter ce morceau-là parce que tu disais que tu t'interdisais pas d'utiliser des vocabulaires. Parce que parfois, on peut pratiquer l'improvisation libre avec une optique très, très... restrictive au sens où on veut vraiment que ce soit une musique non idiomatique, donc on s'interdit explicitement d'utiliser des phrases, des rythmes qui peuvent faire penser à d'autres genres. Oui, enfin, bon, je disais que je m'interdis rien, donc voilà, enfin, s'il y a des notes blues qui arrivent, voilà. Donc, l'improvisation non idiomatique, moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que elle peut retomber sur ses travers elle-même, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est pas parce qu'on ne sert à rien qu'on veut arriver enfin à gommer tout idiome qu'on retombe pas en quelque sorte dans une espèce d'idiome concret, quoi. Tout à fait. Donc finalement, moi je chasse rien, mais bon, ça vient. Bon, c'est comment on peut dire ça, cette c'est vrai que bon, moi je revendique, enfin revendique, hein, bon, c'est un mot entre parenthèses, bon, des racines. C'est-à-dire que Bon, les racines que j'ai, c'est quoi? Ben, c'est que c'est toute la musique de jazz, évidemment, et évidemment le free, enfin, j'allais dire surtout, parce que c'est quand même ce qui m'a le plus marqué. Donc la période free, et, qu'elle soit la période free donc, américaine ou européenne, bon, il y a pu y avoir des nuances entre les deux, bon, etc. Entre bon, ce que fait Michel Portal et ce que fait Albert Ayler, bon, voilà, il y a encore que... donc voilà, enfin, mais c'est vrai que ce côté blues, enfin, ce côté de la musique qu'on a qualifié aussi de négro-américaine, free, etc., m'a beaucoup marqué par son caractère très expressif, justement. Enfin, et de temps en temps, bon, ben, ça peut ressortir dans le propos, quoi. Voilà. Okay. Alors, généralement, quand on parle d'improvisation libre, on parle d'une double filiation, d'un côté le free et le free jazz. Et d'un autre côté, tout ce qui est avant-garde européenne, musique ouais. concrète. Et donc, c'est ce côté-là te fait moins partie de tes racines. Si. L'improvisation européenne aussi. Oui. Mais j'ai beaucoup écouté. Enfin, et puis, bon, quand je dis écouter, c'est en fait c'est. Je dis toujours que c'est de la nourriture. En fait, on est pour faire de l'improvisation. Enfin, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut être nourri, quoi. Enfin, pour le moins, quoi. Donc, nourri, c'est d'avoir écouté, assimilé, aimé, enfin, tout ce genre de choses. Et donc, des gens comme Michel Portal, Luba, enfin, et beaucoup plus récemment, bien sûr que j'ai écouté tout ça, mais aussi. Voilà, parce que pas seulement ça, mais dans la musique. Dans la musique en général, enfin moi, je peux me revendiquer aussi d'avoir écouté Hendrix ou d'aimer Hendrix, évidemment, ou John Cage, ou les gens qui font de la musique dite contemporaine aujourd'hui, que j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup de musique contemporaine qui, elle, alors pour le coup, est souvent écrite. Oui. Et j'en parlerai tout à l'heure parce que je peux le citer maintenant. C'est une bonne occasion, vas-y. Je peux le citer maintenant, voilà. Il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Manoury. Philippe Manoury qui est un compositeur très connu dans les milieux de la musique contemporaine et qui vient de rentrer au Collège de France. Il a fait une leçon inaugurale au Collège de France que je vous recommande d'écouter. C'est vraiment super intéressant au niveau de la musique en général et du traitement que fait Manoury, enfin des réflexions que fait Manoury sur ce que ça veut dire aujourd'hui la musique contemporaine. Et il parle de temps en temps aussi de l'improvisation, voire du free, justement, dans un bouquin qui s'appelle donc notamment La musique du temps réel, où il cite Braxton et George Lewis, qui sont deux improvisateurs, mais qui sont aussi des pédagogues et qui enseignent aux États-Unis. Bon, qu'on a tous écouté, hein, enfin. Voilà, et donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il ne met pas de barrière en béton entre toutes les choses de la musique. Philippe Manoury, il parle aussi bien de la musique du passé. Alors bon, lui, avec des relectures ou des considérations sur Bach ou Mozart ou autre, et puis sur ce que lui pratique aujourd'hui, c'est-à-dire l'échange entre des instruments acoustiques et de l'électronique, c'est ça qui fait aujourd'hui quoi. Oui. Bon, et donc à travers ça, enfin en distinguant aussi, et c'est valable pour la musique impro, c'est pour ça que je trouve ça tout à fait intéressant. Quand on lui dit, par exemple, dans ses propos, on lui dit ouais, mais la musique contemporaine, c'est intello, c'est inaudible, etc., etc. Eh bien, lui, il a toute une réponse là-dessus sur le formatage, évidemment, que certains médias, on va dire, allez, que certains médias ont au niveau de la musique. Et c'est vrai que c'est une affaire aussi d'éducation, enfin, d'écoute, quoi, enfin, de la perception de la musique. Et que si on nous bazarde toujours des musiques avec des infrabasses, etc., saturées, etc., et qu'on ne nous fait jamais écouter d'autres aspects de la musique, et lui, donc, se pose... distinction à faire, mais qui encore une fois, c'est pas des barrières, hein, mais entre une musique festive ou une musique, disons, de variété ou ceci ou cela, et de la musique plutôt artistique, c'est son mot. Oui. Et je pense qu'on est dans le même cas dans la musique d'improvisation. Tout à fait. Donc là, encore une fois, ça n'a pas forcément de sens de mettre des barrières. Le public est souvent le même, d'ailleurs. Oui. C'est oui. un public gourmand d'expérience, de ouais. nouvelles expériences. Alors Philippe Manoury, je sais qu'il est actif, en tout cas il a été très actif à l'IRCAM. Et à l'IRCAM, par exemple, ils ont un festival magnifique, alors dont le nom m'échappe là. Donc l'IRCAM, malheureusement pour nos éditeurs toulousains, l'IRCAM est à Paris, sous le centre Georges Pompidou, sous la fontaine Igor Stravinsky du centre Georges Pompidou. Donc en voyage à Paris, je vous encourage à faire le détour par l'IRCAM, c'est un très bel endroit. Et il y a plein de choses à écouter quand, parce qu'il y a des concerts tout le temps. Et voilà, donc Philippe Manoury. Et donc tu voulais nous lire un extrait de son livre, tu as Non, je suis juste le voilà, citer. Non, juste le citer. Attends, et sa leçon inaugurale au Collège de France, elle est disponible sur Internet. Oui, elle est sur Internet. Très bien. Et je voulais juste rajouter que par rapport enfin, à ces difficultés du public d'écouter soit de la musique contemporaine, soit de la musique dite improvisation, libre ou un peu moins libre, enfin improvisation en général. Souvent, enfin, ça a dû t'arriver, peut-être Dominique, enfin, quand on est en concert où on n'annonce pas enfin, le type de musique qu'on va faire. Et c'est tout à fait intéressant et curieux de voir les réactions du public. Par exemple, cet été, ça a été le cas. Bon, cet été, j'ai une expérience récente, c'était avec Nouche, la pianiste Nouche, là, et une saxophonie allemande. Alors, Nouche me dit, tiens, je suis à la région, mais c'était au moment de la maison peinte, là, de la clôture de la maison peinte, justement, enfin, donc un peu avant. Donc, je dégote un concert à Massat, bon, là, dans un endroit que je connais, où il y avait un piano, donc il fallait un piano pour Nouche. Et donc, on a pris le parti de pas annoncer musique improvisée, machin, etc. Bon, et de mettre jazz et curiosité. Voilà. Donc, alors, il y a le public qui est venu, qui était voilà, un public composé de, évidemment de gens, enfin, dont certains connaissaient le jazz, d'autres pas, la musique impro, certainement pas. Mais il y avait eu, 8 jours avant, il y avait eu un concert de jazz manouche, justement. Et donc, ben, les gens avaient été contents, ils étaient venus, donc, parce qu'il y avait le mot jazz. Et c'est vrai que quand ça, on a surpris. Oui, ça a été la surprise pour certains. Je dois dire même, bon, enfin, il y avait, je ne sais pas, une salle, il y avait à peu près 60-70 personnes. On a fait 2 sets à la moitié. Il y a la moitié de la salle qui est enfin, au premier set qui est partie. Par contre, les autres sont restés. Et ça qui est intéressant quand même. Et on a discuté avec eux. Et beaucoup nous ont dit, ben, c'est la première fois qu'on entend ce type de musique. Alors au début, ça perturbe un peu. Puis on commence à comprendre qu'il y a des jeux entre vous. Ben, les gens comprennent bien, quoi. Enfin, et souvent, donc, la musique impro ou peut-être la musique contemporaine ou autre, en live, en situation, elle est très bien vécue, même Tout par des fait. Gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter. Tout à fait. Personnellement, quand j'ai commencé à pratiquer cette musique-là, je trouvais ça génial de le faire. Et je me disais, mais par contre, je ne suis pas du tout certain que ce soit écoutable. Et en fait, en commençant à me familiariser avec le genre, en allant voir des concerts de ce genre-là, je me suis aperçu que, non seulement en étant accompagné par des amis, je me suis aperçu que c'était, en tout cas ça pouvait être extrêmement lisible dans l'intention et qu'on pouvait voir la musique en train de se construire et que c'était une expérience extraordinaire. Et ce qui est, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le formatage des oreilles, mais aussi des attitudes, c'est-à-dire que quand on va dans un concert, on s'attend à entendre quelque chose et du coup on rentre dans une sorte de posture qui peut être bienveillante, auquel cas on va voir les interactions, on va voir les choses, ou alors on peut être hostile parce que ça ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait tout simplement, et du coup on s'interdit de trouver les qualités qui sont là, et ça c'est très important. Et donc moi je sais effectivement on a avec la Fraction Grossière, donc il y a un groupe d'improvisation dont on parle de temps en temps ici. Et on a joué dans des lieux, et notamment au Celtics de Tarbes, tu connais certainement. Oui, voilà, et donc là, il y a tout type de public qui peut rentrer. Et donc, il y a des gens, c'est un bar, donc les gens qui ne sont pas intéressés, ils peuvent faire leur vie, ils peuvent boire leur bière tranquillement. Et bien, il y a des gens qui passent complètement par hasard, qui ne sont même pas au courant qu'il y a un concert, et qui vont être complètement captés, qui vont venir parler à la fin, qui vont dire, mais c'est super, mais qu'est-ce que c'est? C'est ça, non mais c'est ça. C'est de... voilà. Là, souvent aussi, Philippe Manoury, je pense dans le bouquin là, ou même dans son propos, il parle de musique imprévisible. Ce qu'on recherche, en fait, c'est l'imprévisible. Voilà. Alors, Bon, il faut être modeste, quoi. Hein. Enfin, c'est quand on dit on veut faire table rase, on veut faire. Alors, c'est le propos peut-être des gens qui veulent, qui sont vraiment dans le minimalisme ou dans une recherche. De... Bon, moi, enfin, pour ma part, en fait, je suis modeste, je ne peux pas m'extraire complètement de ce qui s'est produit par ailleurs. Bon, je disais tout à l'heure, c'est la part de nourriture qu'on a en nous. Je sais pas, enfin, pour prendre une métaphore ou autre, c'est quand on écrit aussi, c'est pareil. Bon, on écrit avec des mots. On les a, c'est un vocabulaire, on les utilise. Alors, par contre, évidemment, l'écriture, ça veut dire qu'on a une originalité dans l'assemblage des mots. Eh ben, dans la musique, bon, je pense qu'on peut faire cette analogie un petit peu. Il n'y a jamais que 12 notes, enfin, si on veut dire. Bon, après, on peut aller chercher les quarts de ton. Je pense que toi, personnellement, tu vas aussi chercher énormément de choses dans les bruits, dans les textures. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que 12 notes. Et c'est vrai que ce matériau-là n'est pas forcément exploité dans tous les genres musicaux. Par contre, notamment, c'est un trait qui est partagé entre la musique improvisée et la musique contemporaine, il y a cette volonté de travailler les textures, de travailler les sons, d'aller au-delà du vocabulaire harmonique traditionnel. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire de très belles improvisations avec 12 notes, même beaucoup moins que ça. Bien sûr. Et de toute façon, même si sur une partition, il n'y a que 12 notes, il y a énormément de choses qui se passent lors de l'interprétation par le musicien et qui vont aller bien au-delà de ce qu'il a écrit sur la partition. C'est pour ça que ça a de l'intérêt de voir un concert. Et ça fait toujours un choc quand on écoute une partition qu'on va numériser, par exemple, et puis brancher un synthétiseur qui peut avoir des samples, des sons enregistrés qui sont excellents, mais qui ne va avoir aucune interprétation. Et ça fait vraiment un choc. La musique doit être portée par un interprète. Ouais, là, tant que je suis dans les livres, là, j'ai trois lectures musicales. En ce moment, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, d'ailleurs, parce que je lis de la littérature, tout simplement. Mais bon, là, il y a un type qui s'appelle Hans Zender. Je ne sais pas si tu connais. Bon, c'est un Allemand, enfin, contemporain, là, qui a fait un essai sur la musique à contre-champ. Enfin, et là aussi, il y a une partie technique, moi, qui m'échappe complètement, c'est-à-dire que quelqu'un qui a recherché... Qui a recherché sur une nouvelle notation avec des fréquences et tout. Enfin, moi, je ne suis pas du tout là-dedans, mais bon, ça a l'air assez élaboré. Mais par contre, il a aussi des propos sur simplement la musique. C'est un chef d'orchestre aussi. Et pour lui, c'est clair, en fait, c'est que les partitions, bon, notamment les partitions du passé, bon, voilà, c'est des notes sur un papier, mais tout est ensuite dans l'interprétation, évidemment. Enfin, c'est voilà quoi. Donc, Hans Zender, tu écris ça comment ? Oui, Hans Zender, c'est Z-E-N-D-E-R. Très bien. Bouquin qui vient de sortir, qui est très très intéressant. Ok. Alors, nous sommes au milieu de l'émission. Je vais envoyer le jingle du milieu d'émission. Nous sommes sur France Impro, Radio FMR 89.1. Et ensuite, on va enchaîner avec un autre morceau de Roule ta salive, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors, j'ai Roule ta salive, Sarbacane, suite Cyber Radio Destroy. Ça a l'air bien, c'est intriguant. Oui, alors on peut passer ça parce que c'est un aspect différent, oui. D'accord, oui, allez, d'accord. C'est parti, on fait ça. D'accord. France Impro, ça donne chaud. Thank you. C'était la suite Cyber Radio Destroy de Henri Hertemann de l'album Roule ta salive au trombone solo. Alors, parle-nous un peu de ce qu'on vient d'entendre, Henri. Alors, donc, j'utilise le trombone acoustique, évidemment, avec souvent avec un peu de réverb quand pendant les enregistrements ou sur scène, parce que ça améliore un peu. Le trombone, ça fait un son des fois un peu sec, comme ça, enfin, en tout cas, moi, ce que je sors. Et là, j'utilise des fois aussi donc, une panoplie d'effets. Enfin, c'est quelque chose de très simple. Ça s'appelle un dispositif vocal 300. C'est une palette de sons qui vont dans des sons très, très saturés jusqu'à des sons un petit peu martiaux. Enfin, voilà. Et il y a un pédalier. Et donc, on joue. Et quand on joue avec ça, c'est assez curieux. On est guidé, on est happé par le son lui-même. Quoi. Enfin, et donc, on développe quelque chose de complètement différent. D'accord. Voilà. Mais on pourrait dire que c'est quelque chose d'assez essentiel à l'improvisation, cette idée d'être happé, de réagir à ce qui se passe. Mmh. Et donc, c'est intéressant parce que là, tu travailles avec un dispositif qui va sortir des choses qui ne sont pas forcément pensées parce qu'elles dépassent ton seul trombone. Oui. Et du coup, qui vont te tirer vers d'autres. Voilà, et qui vont ce que tu dis. Ouais. Ça, et donc, c'est intéressant parce que si on part de cette comment dire de cette taxe de lecture pour parler de l'improvisation libre, du coup le solo est presque un genre à part dans la mesure où on ne peut pas rebondir sur les propositions de nos amis qui sont en train de jouer, on ne peut pas réagir, on ne peut pas voir comment nos propres idées sont. Voilà. Alors comment est-ce que tu joues différemment en solo de façon dont tu joues en trio par exemple? Je pense, oui. Enfin, je pense. Bon, c'est. On pourra peut-être écouter tout à l'heure un morceau là avec un percussionniste. Donc, mais je veux dire que, enfin, moi, j'aime. Bon, voilà, ça s'est trouvé de faire ce solo, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien dialoguer avec d'autres instruments et d'autres personnes, quoi. Et parce qu'on dans ce questionnement constant, enfin ces écoutes constantes avec d'autres, ça, on va aussi dans d'autres directions. Enfin, moi ça m'intéresse beaucoup, et pas que d'ailleurs. Il y a les musiciens, évidemment. Bon, pour la plupart, ces dialogues que je fais, c'est avec des musiciens. Et d'ailleurs, avec d'autres instruments aussi, puisque mon premier instrument, c'était le clavier, entre parenthèses. Bon, donc, j'en joue quand même déjà, encore, je veux dire. Mais avec des plasticiens, avec des textes, justement, avec pas mal et des danseurs, bien sûr, aussi. J'ai fait pas mal d'expériences avec des danseurs, et ça porte encore à d'autres choses, évidemment. Tout à fait. Et c'est aussi une façon pour le public de rentrer dans des genres avec lesquels ils ne sont pas familiers. Tout à fait. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater aussi, que un public qui se retrouve en face de musiciens, s'il n'est pas habitué au genre, il peut être choqué, il peut du coup se mettre dans une attitude qui n'est pas favorable à la musique et du coup pas en profiter. Par contre, s'il ne s'attend pas à quelque chose, par exemple, si on lui met on lui projette quelque chose ou s'il y a des danseurs, du coup, il va être beaucoup plus ouvert, un peu bizarrement, il va être plus exposé à des stimuli multisensoriels, et donc du coup il va être plus ouvert et il va accepter différentes choses. Ça c'est intéressant, du coup, ces expériences avec des danseurs, avec des plasticiens. Ça c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la musique improvisée, mais qu'on voit aussi souvent dans la musique contemporaine, des installations. On parle beaucoup de happening, et c'est aussi une façon de toucher un public plus large. Alors, tu parlais d'un duo avec un percussionniste. Donc, parle-nous un peu de ce duo. Ensuite, on en écoutera un petit morceau. Voilà. Bon, malgré l'enregistrement lui-même, qui, bon, peut-être, ça a été fait dans des conditions très très très basique, c'est-à-dire ça a été enregistré avec un zoom, quoi, et donc ça donne pas la pleine mesure de ce qui s'est passé. Bon, j'ai fait un duo avec Didier Lasserre, donc à la percussion. C'est venu, d'ailleurs, c'est une des répercussions du disque, c'est parce que Didier a écouté ce disque, on y a passé, ça l'a intéressé, bon voilà. Donc c'est pas dit non plus qu'on ne refasse pas quelque chose avec lui, on projette, mais bon, il faut trouver un endroit qui puisse nous accueillir convenablement, financièrement, etc., etc. Bon, voilà. Donc, mais c'est un des projets. Mais tant que je suis dans les projets, je vais en dire deux mots, puis après je vais jouer du mélodica. D'accord. Donc. Parle de tes projets. Ensuite, on va écouter l'extrait. D'accord. Ou alors, on écoute le disque. On écoute l'extrait du concert. Voilà. Et ensuite, tu parles de tes projets. C'est parti. Oui, d'accord. Oui. Henri Hertmann en duo avec Didier Lasserre. Donc, parle-nous de tes projets, Henri. Bon, alors, des projets, il y en a plus que, plus que peut-être ils vont se réaliser, mais non, il y a des choses sûres. Bon, par exemple, bon, là, immédiatement, c'est-à-dire, on est aujourd'hui, donc, samedi, vendredi soir prochain, le 16. Bon, on fait un petit échange avec Thierry Di Filippo, voilà, à Archipel. Peut-être avec des plasticiens aussi, comme chaque fois, c'est un petit peu la coutume, là, voilà. Archipel, c'est Place Arnaud Bernard. Donc, tu sais à faire quelle heure c'est généralement vers 20h30. Assez tôt, oui. D'accord. Voilà. Donc. Un petit peu après, bon, un petit peu avant, il y a de la restauration qui peut se faire sur place. Mais je crois qu'il faut, réserver plus ou moins parce que les gens me préparent au fur et à mesure, quoi. Voilà. Alors, après, des projets, bon, je vais intervenir dans le cadre de Enfin Livre, c'est un festival de livres qui a lieu à Caser sur Garonne, où j'habite. Et bon, là, ça sera une lecture musicale, donc avec Benoît Sévérac, qui est un auteur de polar toulousain. Et voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc dans le cadre des échanges multiples qu'on fait avec. Alors là, ça sera plutôt au clavier, quoi. Bon, enfin, alors après, donc, au mois d'avril, alors là, c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, je suis invité par Sylvain Guérineau, qui est un saxophoniste à Paris, doit faire un duo avec lui, donc, dans un lieu qui s'appelle Jazz at Home. Voilà. Et c'est un lieu, bon, qui a le mot jazz, mais c'est pas mal dédié, même beaucoup, enfin, à la musique improvisée. Voilà, ça me fait bien plaisir aussi. Je vais rencontrer Fred Marty aussi, qui est un contrebassiste qui joue aussi à Paris, pas mal. Et d'ailleurs, je vais faire un appel là. Ce Fred Marty, donc, il vient aussi sur Toulouse au mois de mai, le 10, 11, 12 mai. Et on a projeté de faire un concert en duo avec lui. Et on cherche désespérément un lieu pour se produire. Donc. Alors, si vous nous écoutez, vous pouvez aller sur le site franceimpro.net, franceimprotoutattaché.net, et écrire à l'adresse de contact et on transmettra à Henri. Voilà, écrivez nombreux, qu'on fasse une belle tournée. Proposez-nous un lieu. Bon, juste un mot, Fred Marty, c'est un contrebassiste vraiment que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert, je ne le connaissais pas il y a quelques temps. Et c'est par rapport à tout ce réseau-là parisien que j'ai été écouter ce qu'il fait. Puis, on s'est mis en rapport et c'est lui qui m'a proposé aussi de passer à un endroit où lui va jouer en quartet. Mais il m'a dit, bon, on te fera une place aussi. Donc, j'ai deux concerts là. Voilà. Après, bon, il y a un projet, bon, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre du fil, qui va se, je préfère pas en parler, ça se diffusera à temps voulu. Ensuite, j'ai un projet avec un autre tromboniste en Corrèze, où on va animer une recréation, disons, de lieux. C'est deux tours très anciennes, enfin moyenâgeuses, qui vont être remises enfin, à la circulation du public. Et on va faire un duo d'un endroit à un autre, d'une tour à une autre. J'espère qu'ils ne sont pas trop éloignés. Et voilà, c'est quelqu'un que je connais. Effectivement, j'espère qu'elles ne sont pas trop éloignées, sinon ça risque d'être intéressant. Voilà. Et là, bon, alors pour le coup, ça va être une expérience aussi où on va avoir un public complètement enfin, en dehors bon, du public habituel, enfin, on va dire, ou enfin, des gens qui connaissent la musique improvisée libre. Ça va être des gens qui, voilà, peut-être des touristes, etc. Ça va être une journée un petit peu qui va être lancée. Bon, voilà, c'est des projets comme ça. Et puis alors après, bon, j'ai dernière chose. Enfin, bon, après, il y aurait d'autres, mais quand même, ce que je peux annoncer, c'est avec l'association Les Basis. Déjà, cette association Les Basis, qui est basée à Sainte-Croix-Volvestre, dans la région, m'a donné carte blanche cet été pour monter deux jours un petit festival de musique improvisée. On a appelé ça les journées d'improvisation libre, donc forêt aussi, parce que c'était en pleine forêt. Et là, ils vont me donner aussi carte blanche pour une soirée, disons, vers le mois d'octobre. Alors, je ne sais pas encore ce que on va y faire, mais... Carte blanche, il va falloir que tu y réfléchisses. Voilà. Super. Donc, pour le moment, voilà. Voilà un peu les informations. Très bien, mais écoute, voilà. C'est une belle actualité avec plein de projets, effectivement, c'est super. Alors, je vais enchaîner avec l'agenda des sonophages, deux, trois annonces de concerts. Et puis, on finira l'émission avec un petit solo de Melodica, car Henri nous a dit que son premier instrument, c'était le clavier. Ensuite, sa vie de musicien l'a conduit au trombone. Et donc, il peut mélanger ses amours avec ce petit Melodica qui est, vous devez connaître cet instrument, c'est un petit clavier portable dans lequel on souffle pour faire produire des sons. Alors, donc, l'agenda des sonophages. Ce soir, un concert inratable. Un concert à table de nos amis Piak. Alors Piak, vous les connaissez bien si vous êtes auditeur de France Impro. Piak, ils sont venus, alors c'était pas la dernière émission mais la précédente je crois, donc c'est un trio Piak, il a une autre forme, c'est le grand Piak, où ils invitent des amis, ils font des choses super. Donc ils jouent ce soir dans un lieu qu'on aime beaucoup, qui est les ateliers d'eau vive. Donc ce sera à 19h, donc tôt. Alors les ateliers d'eau vive, c'est super, ça fait partie des endroits qui arrivent à mobiliser des publics qui ne sont pas forcément des publics très familiers avec la musique improvisée. Et ça se passe 23 rue Édouard Dulaurier, donc c'est pas très loin de Arnaud Bernard, c'est de l'autre côté du boulevard. 23 rue Édouard Dulaurier à Toulouse, à 19h, donc Piak. Alors ça se passe avec La Main Mouche. La Main Mouche, c'est un collectif dont on vous parlera un peu plus bientôt sur France Impro. Alors, deux formes de la même musique. Piak invite à vivre une belle expérience. Deux configurations différentes du même trio, deux moments juxtaposés dans une même soirée, histoire de faire l'expérience du contraste et entendre les échos d'une proposition à l'autre, un écrin. Le premier set verra la version initiale de Piak en trio acoustique, une musique de trance à la fois méditative et véhémente qui emprunte à l'énergie démentielle du free jazz et aux musiques traditionnelles de plein d'endroits du monde, avec Bertrand Fraisse aux percussions, Julien Ginest et Florent Nastorg au saxophone. Et le deuxième set se joue en formule électroacoustique avec une longue nappe sonore jouée volontairement à faible volume au cours de laquelle on oublie le temps. Une autre manière de flotter dans la matière sonore et de partager un moment fort. Donc je vous conseille chaudement le déplacement. Ensuite, nous avons au Facteur Sauvage le 17 février au Taquin. Nous avons Facteur Sauvage au Taquin, excusez-moi. Le Taquin, c'est l'ancien Mandala, ça se passera à 20h30. Et les facteurs sauvages, c'est Laurent Paris à la batterie préparée, Mathieu Sourisseau à la guitare basse, Daniel Scalier à la voix, et suivi en deuxième partie de Ruland avec Mathias Pontevia à la batterie horizontale, Yann Saboya à la guitare électrique. Alors Henri, est-ce que tu veux nous dire quelque chose de ces concerts? Je te vois qui opine, oui, du bonnet, ce sont des amis, c'est ça. Complètement alléchant, quoi. Je veux dire, tous ces camarades qui jouent. Ah oui, c'est parce qu'on a de la chance à Toulouse d'avoir une scène. Voilà, moi, je ne vis pas à Toulouse, alors sinon j'y serais, quoi. Voilà. C'est sûr. Alors, un dernier concert, le 18 février, donc Piak à nouveau invite Roland Haussard, notre ami Roland Haussard, albigeois, avec son synthétiseur. Ouais. Modulaire, et je ne sais plus le nom de son synthé, mais qui est avec plein de boîtiers qu'il branche entre eux et qui arrive à le faire chanter. Alors, on enchaîne avec le solo de Melodica d'Henri Hartmann. Merci, c'était France Impro, Radio FMR 89.1. À la semaine prochaine, parce que exceptionnellement, France Impro, ce mois-ci, ce sera le deuxième et troisième samedi du mois. À bientôt! C'est Henri Hertemann au Mélodica, dans le studio, en direct, dans le studio de Radio FMR. Merci beaucoup, Henri. Avec grand plaisir. À bientôt, tout le monde. Au revoir.